Vous êtes à l'écoute du territoire. Le territoire compte pour ses habitantes et ses habitants. Et au niveau régional, au niveau local, cet attachement se sent, il se voit. Les groupes citoyens se mobilisent et les élus mettent en branle une panoplie de projets et de réglementations. Cette dynamique de gouvernance est marquée par deux pôles. D'une part, la protection du territoire et d'autre part, le développement économique. Même s'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, ces deux pôles ont plus souvent qu'autrement des intérêts divergents. Et ce qu'on observe, ce qu'on entend un peu partout sur le territoire du Québec, c'est le désir d'autonomie des municipalités. Toutefois, elles se butent à des contraintes économiques et humaines qui les limitent dans leur champ d'action. Cette semaine et pour les deux suivantes, nous vous proposons Pouvoir et contraintes au cœur du territoire municipal. Une série de reportages sur le monde municipal dans ce qu'il a de plus concret. Il sera question d'adaptation au changement climatique, d'implication citoyenne, de projets miniers et même d'éco-corridors. Pour le premier épisode de cette mini-série, nous vous emmenons à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides. Voici, au front écologique, à Loré-des-Bois, un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie. Les dernières élections municipales au Québec ont vraiment été exceptionnelles, pour deux raisons. D'abord, un nombre important de femmes se sont joints à ce milieu éminemment masculin de la politique locale. Il y a ensuite eu ce qu'on pourrait appeler une vague verte. Les élus de cette cohorte semblent partager ceci, la conscience que leurs municipalités sont au front de la lutte contre les changements climatiques. Depuis, de plus en plus de prises de position environnementales par les municipalités se font entendre. La demande en pleine campagne électorale provinciale des grandes municipalités québécoises à conclure un pacte vert avec le prochain gouvernement fut peut-être la plus audible d'entre elles. Les grandes municipalités ont leurs problèmes propres, mais elles font ombrage parfois aux centaines de plus petites municipalités du Québec, dont le rôle, lui aussi, est grandissant. C'est pourquoi nous avons décidé de porter notre attention vers les pouvoirs et les devoirs en matière d'environnement de ces administrations qui fourmillent partout sur le territoire québécois. Je me suis rendu à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, pour parler avec Catherine Amé-Mulcaire, et si j'avais voulu représenter les deux tendances des dernières élections, féminines et environnementales, je n'aurais pas pu choisir mieux. Je m'appelle Catherine, je suis mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je suis native de la région des Laurentides. En fait, moi, je suis née à Sainte-Agathe-des-Monts. J'ai fait tout mon parcours scolaire. Tout au long de notre entrevue, Catherine était en compagnie de son petit garçon qui s'est vite endormi au sein de sa mère et qui n'a pas bronché pendant l'heure qu'a duré notre entrevue. J'ai accouché 6 jours, en fait, avant d'être élue par acclamation. Et à qui la politique municipale s'habitue tranquillement. Puis après ça, ce qui était tellement plus fun, puis tellement plus drôle, c'était quand je me suis présentée à mon premier conseil des maires de la MRC. Puis là, ben j'arrive, tu sais, avec mon pouce-pouce, tu sais, ils n'avaient jamais vu ça, eux autres, tu sais. Ben, t'es une mairesse qui arrive avec un bébé en pouce-pouce, tout. C'est tellement drôle, là. Et qu'il prend goût, lui aussi. C'est le fun. Puis c'est lui, depuis qu'il est né, il me suit, là. Honnêtement, là, des fois, là, genre, il a hâte qu'on aille en meeting. Catherine Amé-Mulcaire a l'environnement à cœur. Et c'est d'ailleurs tout à fait normal. La nature est au centre de l'identité laurentienne, selon elle. Et par rapport aux responsabilités des petites municipalités en la matière, elle connaît sa ligne. On entend souvent beaucoup parler des grandes municipalités, des grandes villes, dans les médias par rapport aux responsabilités environnementales. Par contre, on oublie que les petites municipalités, donc les municipalités de moins de 5000 habitants, ben, c'est nous qui avons plus de 80% du territoire québécois sous notre gouverne. Et donc, au niveau des enjeux de conservation, on a une responsabilité immense. Puis c'est pas juste pour nos citoyens, mais c'est pour l'ensemble du Québec. Mais pour protéger ce grand territoire, Quels sont donc les pouvoirs propres aux municipalités comme Sainte-Anne-des-Lacs? Contrairement aux grandes villes, elles n'ont pas une masse de comportements citoyens à transformer, d'automobilisme à changer en cycliste, de passagers à séduire vers le transport en commun. C'est ça, au niveau de l'environnement, on a une compétence. Donc, on a, tu sais, c'est large. On a une compétence en environnement. Donc, ça, c'est à ce niveau-là, tu sais, c'est très large. Par contre, une municipalité, c'est ça, elle a juste les pouvoirs qu'on lui délègue. Donc, une municipalité ne peut pas juste décider qu'elle a le pouvoir sur quelque chose. C'est très compliqué, là, au niveau juridique, parce que là, il y a aussi... Puis au niveau de l'environnement, c'est comme tout le monde a un peu compétence, dans le sens où, tu sais, le fédéral a des compétences, le provincial en a, puis le municipal en a. Pour nous aider à mieux comprendre, Sophie Doré, du Centre québécois du droit de l'environnement. Il y a différentes lois québécoises qui donnent des pouvoirs de réglementation aux municipalités, donc sur différents sujets. Il y a d'abord la loi sur les compétences municipales qui, en fait, donne justement des compétences précises aux municipalités. Par exemple, justement, il y a dans la loi sur la compétence sur les compétences municipales une compétence qui est donnée sur l'environnement, sans avoir d'autres précisions, en fait, là, que l'environnement au sens large. Par contre, il y a une contrainte qui est indiquée dans la loi qui est assez importante à l'effet que toute disposition d'un règlement d'une municipalité qui est adoptée en vertu de la loi sur les compétences municipales, qui est inconciliable avec un règlement un article de règlement ou d'une loi provinciale est inopérant. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand il y a un conflit de loi, ça va être la loi provinciale qui va prendre le dessus. Les gouvernements municipaux sont en quelque sorte tout en bas de la structure de gouvernance canadienne. Mais leur puissance découle de l'application de plus en plus généralisée depuis quelques dizaines d'années du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité donne la responsabilité d'implémentation des politiques à l'entité la plus petite qui soit en mesure de les mettre en œuvre efficacement. Ça s'adonne qu'en étant près de leur population et de leur écosystème, les municipalités ont justement cette efficacité. En conséquence, on leur accorde depuis quelque temps déjà de plus en plus de pouvoir. Paradoxalement, combiné à l'obligation évoquée par Sophie Doré de respecter les lois provinciales et fédérales, ces nouveaux pouvoirs font en sorte que les municipalités sont les paliers de gouvernement dont les politiques vont le plus loin. Parce que les politiques des autres paliers forment en quelque sorte un seuil en deçà duquel les villes n'ont pas le droit de descendre, leurs gouvernements n'ont pas vraiment d'autre choix que de continuer d'avancer. Dans cet espace juridique inconnu, il y a des exploits et du danger. Sainte-Anne-des-Lacs a été une des municipalités à éclairer son petit bout de chemin grâce à sa réglementation sur l'usage des pesticides sur son territoire. On a vraiment restreint l'utilisation de pesticides à un usage là, minimal. Pas d'épandage de pesticides pour des raisons esthétiques, mais on le permettait s'il y avait des invasions là, et que c'était la seule solution, là, utiliser certains types de pesticides. Ce règlement a été élaboré en 2017, alors que Monique Monette Laroche était mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs. Il illustre bien les dangers auxquels les municipalités font face lorsqu'elles innovent pour l'environnement. Il est arrivé qu'on a donné des contraventions à des gens qui utilisaient les pesticides parce qu'une compagnie, la compagnie Weedman, elle disait que dans le fond, puisqu'il y avait une loi fédérale qui autorisait l'épandage de pesticides pour des raisons esthétiques, nous, on n'avait pas le droit d'aller contre cette loi. Mais le règlement fera finalement jurisprudence. Et finalement, le juge a décidé que notre règlement était valide. C'est qu'un règlement municipal peut toujours être plus restrictif, mais il ne peut jamais carrément s'opposer à un règlement d'une instance supérieure. Et nombre de petites villes s'avancent désormais dans le chemin battu par Sainte-Anne-des-Lacs. Vous faites les médias, là. On avait reçu, là, notre directeur général, il a passé 3 jours au téléphone à répondre à des appels de municipalités au Québec qui nous demandaient, ils sont comme, est-ce qu'on peut juste avoir votre règlement? T'sais? Puis nous, on était comme, absolument. T'sais, nous, on avait investi quand même beaucoup de sous là, dans la rédaction de ce règlement-là. Puis en tout cas, on est vraiment très fiers là, de cette contribution-là parce que ça fait définitivement une différence. Néanmoins, ce petit affrontement de brousse au sujet des pesticides laisse entrevoir le danger que représente ce type d'innovation pour les municipalités. Les risques qu'encourent ici les petites villes induisent en elles une prudence qui les détourne du plein exercice de leur pouvoir, selon le professeur de sciences politiques à l'UQAM spécialisé en politique municipale, Pierre Prévost. Quand c'est complexe, les municipalités ne vont pas faire la course pour être les premières à tester quelque chose parce qu'elles savent que ça peut les amener devant les tribunaux. Puis ça, c'est très coûteux. Alors, tu imagines, là, tu vas faire la bataille pour des 1100 autres municipalités parce que qui reste sur le temps, puis tu dis, on va voir comment ça va finir. C'est ça. Alors, donc, tout le monde s'attend là-dedans. Hein? Les gens réfléchissent et tout ça. Cela ne veut pas dire que les villes sont complètement démunies face aux risques juridiques. Sophie Doré, du Centre québécois du droit de l'environnement. Il y a quand même la possibilité que les municipalités soient accompagnées et par des avocats, évidemment, pour s'assurer que leur action est valide, mais aussi par la société civile, par le gouvernement provincial, en ce sens que s'il y a des appuis qui sont quand même plus larges, également tu sais, de la population, ça peut aussi diminuer quand même le risque là, pour une municipalité, mais à tout le moins rendre légitime là, son action réglementaire. Et Catherine Amé-Mulcaire, elle, assure qu'une courbe d'apprentissage est en voie d'être gravie. C'est sûr que c'est un frein justement à expérimenter de la réglementation et des choses comme ça, mais je dirais que pour avoir étudié un petit peu là, le droit municipal, puis là, d'avoir les deux pieds dedans comme mairesse, c'est de plus en plus clair, il y a de plus en plus de jurisprudence. On commence à, au niveau de l'environnement, là, on commence à être mieux en ligne, puis le cadre se définit de plus en plus. Et donc, plus le cadre est clair, plus que les municipalités vont être à l'aise d'opérer là, dans ce cadre-là. Et donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Les municipalités sont un réseau qui accumule du savoir et où les innovations se dispersent malgré la menace des injonctions. Mais l'argent reste un des obstacles majeurs à toute forme d'initiative environnementale de la part des petites municipalités du Québec. Et ce, en dépit de l'optimisme de Catherine Amé-Mulcaire et de Sophie Doré. Et les deux le savent très bien. Le problème, le manque de moyens, est simple. Mais il n'a aucune solution évidente. Environ 80% des revenus des municipalités découlent de la taxe foncière et il n'existe pas pour l'instant d'autres sources significatives de financement. On l'a vu, ces manques de moyens sont un frein au pouvoir réglementaire des petites municipalités, qui est pourtant essentiel à mettre en place compte tenu de l'immense proportion du territoire qu'elles représentent. Cela dit, c'est sur une deuxième responsabilité des municipalités que leurs faibles revenus pèsent le plus. Celle de l'aménagement du territoire. Catherine Amé-Mulcaire. Au niveau macro, tout ce qui est dans l'aménagement, tout ce qui est dans la conservation de territoire, les municipalités, on a beaucoup d'outils à notre disposition dans la loi sur l'urbanisme. Ce que les municipalités doivent faire, puis nous, c'est l'exercice qu'on est en train de faire actuellement, on doit planifier le développement. Cette planification se fait grâce aux outils et aux devoirs déterminés par la loi. Encore ici, Sophie Doré, du Centre québécois en droit de l'environnement, nous aide à mieux comprendre. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en fait, cette loi-là, elle prévoit de manière générale tout l'ensemble des devoirs, des obligations, puis des pouvoirs des municipalités pour prévoir l'aménagement du territoire. Et donc, notamment, là, ça prévoit que les municipalités doivent avoir des plans d'urbanisme, des MRC qui doivent avoir des schémas d'aménagement et de développement. Et toute la réglementation, en fait, qui en découle, autant la réglementation de zonage, de lotissement, règlement de construction. Lorsque cette planification se fait en contexte financier difficile, la tentation de se tourner vers du développement est forte, voire irrésistible. Ça, on a aussi à chaque année, on a des nouvelles responsabilités qui nous sont octroyées par le provincial. Et là, pour mettre en œuvre ces nouvelles responsabilités-là, il faut qu'on aille chercher de l'argent. Puis ça vient pas du provincial. Quand ils nous donnent des responsabilités, rarement ils vont nous donner une enveloppe budgétaire qui vient avec ça pour nous appuyer dans la mise en œuvre des nouvelles responsabilités. Et donc là, on se retourne vers notre presque seule source de revenus, qui est les revenus de taxes foncières. La manière la plus facile de créer de la richesse foncière, c'est de construire. L'idéal serait de densifier le secteur urbain des petites municipalités, mais ce projet entre en conflit avec des considérations d'ordre social, à savoir que les habitants de ces municipalités y sont souvent précisément pour avoir le mode de vie qu'elles offrent depuis longtemps. Ben, notre héritage architectural, c'est la maison unifamiliale, on va se le dire, ça s'appelle une porte de façade. Puis ça, là, les gens tiennent coûte que coûte, puis c'est correct. Mais on peut avoir une porte de façade puis trois logements quand même. On peut pas juste avancer comme ça, là. Il faut qu'on prenne des décisions. Puis ça vient avec des conséquences financières, c'est sûr. Donc si on fait moins de développement, mais le fardeau fiscal, ça va être de plus en plus soutenu par les payeurs de taxes qui sont déjà là. Absente la possibilité de densifier le territoire, les villes sont tentées de s'étendre. Et ce, malgré le coût environnemental que cela peut représenter, comme l'explique le professeur Pierre Provost. Dans les petites municipalités, l'intérêt pour du développement dense, compact, n'est pas là. Les gens, à tort ou à raison, sont encore dans un état d'esprit où ils veulent consommer du terrain, ils veulent avoir de l'espace. Alors, c'est des petites municipalités dans ce cas-là, mais qui utilisent tous les leviers possibles pour essayer de conserver le caractère un peu plus iconique, là, un caractère soit rural, soit villégiature ou autre, là, qui a fait leur personnalité. Les municipalités sont pas toutes à mettre dans le même panier, à l'exception du fait qu'elles sont toutes encore, je dirais, prisonnière un peu d'un mode de financement qui est l'impôt foncier, qui incite à consommer du terrain. Les petites municipalités font face à un obstacle financier insurmontable, en tout cas dans l'immédiat. Pour cette raison, une myriade d'organismes à vocation environnementale les assistent dans la conservation du territoire. Dans l'ordre temporel auquel on a affaire ici, celui des changements climatiques, il est crucial d'agir à très long terme. C'est que même si une administration municipale a aujourd'hui la volonté politique de créer des espaces protégés, aucune garantie n'existe que la prochaine ne changera pas d'avis. Pour réaliser pleinement leur devoir en termes de conservation du territoire, les petites municipalités québécoises sont en quelque sorte au dépourvu, constamment tiraillées par la nécessité de trouver des revenus que seuls permettent les taxes foncières et donc l'occupation du territoire. Elles ont besoin d'aide et c'est ici qu'entrent en jeu les organismes de conservation volontaire. La conservation volontaire, dans le fond, c'est un mouvement citoyen qui est né d'initiatives citoyennes. Donc le premier site protégé par la conservation volontaire... Brice Caillé est directeur général de l'organisme Réseau de milieux naturels protégés, une alliance d'organismes de conservation québécois. Les organismes de conservation volontaire viennent, pour ainsi dire, complémenter le rôle des municipalités. Les municipalités, elles vont avoir des outils qui vont être liés au zonage de leur territoire, c'est qu'ils vont pouvoir zoner le territoire de la municipalité, mais ils ne vont pas pouvoir s'attarder à une propriété spécifiquement. Les organismes de conservation, eux, c'est l'inverse, ils travaillent à l'échelle d'une propriété, transaction par transaction. Et donc, c'est une démarche qui est beaucoup plus « positive », entre guillemets. Et les organismes de conservation, eux, sont en mesure d'aider les municipalités à protéger durablement leur territoire grâce à deux outils qui sont à leur portée. L'enjeu important pour la municipalité, c'était de s'assurer que ces terrains-là soient protégés à perpétuité. Parce que les outils municipaux, c'est des outils qui vont être beaucoup du zonage et de la planification de l'aménagement du territoire, mais qui vont pouvoir évoluer avec le temps. Donc pour garantir la protection à perpétuité d'un milieu naturel, aujourd'hui, ils sont obligés en fait, de faire affaire avec un organisme de conservation ou de créer une réserve naturelle. Lui, les deux principaux outils, c'est vraiment la vente ou le don de la propriété à l'organisme de conservation. Donc, une fois que l'organisme de conservation est propriétaire du milieu naturel, qu'il l'ait acheté ou qu'il se soit fait donner, peu importe, cette propriété-là est éligible au registre des aires protégées et va finir par se rendre au registre des aires protégées, au même titre qu'un parc national ou qu'une réserve écologique qui appartient au ministère de l'Environnement. L'autre option qui existe, c'est la servitude de conservation, où là, un propriétaire, en fait, s'engage à protéger son milieu naturel au bénéfice d'une propriété d'un organisme de conservation qui est à proximité, parce qu'il y a un lien écologique direct et qu'en protégeant, par exemple, la forêt sur sa propriété, bah, ça protège la propriété de l'organisme de conservation qui est situé à proximité. Enfin, même s'il venait à disparaître, un organisme a généralement dans son testament, si on veut, une clause qui rend sa mission éternelle. Ben, un organisme de conservation, c'est censé être immortel, parce que si les individus meurent, mais c'est géré par un conseil d'administration qui se renouvelle et qui assure la pérennité de l'organisme. Et ils ont des clauses dans leur lettre patente, donc qui sont les documents constitutifs de l'organisation, qui indiquent que si jamais l'organisme doit être dissous pour n'importe quelle raison, ses propriétés devront être transférées à un organisme qui exerce une mission similaire. C'est que c'est des terrains qui seront sortis à tout jamais du marché, en fait, et qui pourront plus être acquis par un promoteur immobilier, un individu privé ou n'importe quelle personne d'autre dans le but de faire du développement. C'est des milieux qui vont être vraiment protégés à perpétuité. La conservation du territoire est primordiale dans la lutte au changement climatique, non seulement pour prévenir le réchauffement de la planète grâce à la captation carbone que permet la végétation. C'est aussi un outil essentiel pour notre adaptation à cette crise qui ne se fera pas sans protéger autant que possible la biodiversité de notre planète. À l'orée de la COP15, qui se tiendra dans moins de 2 semaines à Montréal et où il sera question de biodiversité, les actions qui sauront préserver celle-ci se font de plus en plus pressantes. Et pour cause, une migration massive est en voie d'avoir lieu au Québec. Il va y avoir une migration des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, vers le nord là, pour s'adapter à leur changement d'habitat. Et le sud du Québec, en particulier la rive sud du Saint-Laurent, c'est une véritable barrière écologique. Et c'est vraiment là que ça va être important de protéger la connectivité. Cette connectivité dont Brice Caillé parle est possible grâce à la planification de corridors écologiques. Dans les Laurentides, où j'ai rencontré Catherine Amé-Mulcaire, des efforts incessants sont entrepris par une multitude d'acteurs pour contrecarrer les impacts de l'occupation humaine sur les habitats d'animaux et de plantes. Marilyn Després-Heinspenner en fait partie. Depuis mes études, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut utiliser la science pour protéger la nature. Et de plus en plus que je travaille dans le domaine, l'importance de travailler avec les gens sur le terrain. On connecte les milieux naturels, mais surtout on connecte avec les gens qui vivent sur le territoire entre eux. C'est là que prend tout le sens de ce que je fais et de ce que Éco-Corridor Laurentien fait. Un éco-corridor, il y a plusieurs termes. Éco-corridor, corridor faunique, corridor écologique. On entend aussi souvent trame verte. C'est tous des termes qui veulent dire la même chose, soit un passage naturel ou aménagé, qui permet aux espèces, aux animaux de se déplacer et aux plantes de se disperser. Donc, on parle d'espaces naturels, ça peut être des grandes superficies forestières, par exemple. Ou quand on parle d'espaces aménagés, ça peut être des bandes riveraines, des haies brise-vent, surtout en milieu agricole, mais aussi des passages fauniques. Donc, des passages fauniques, ça, c'est des aménagements qu'on fait au niveau des routes, soit par-dessus ou en dessous des routes, pour permettre aux espèces, donc aux animaux surtout, là, de traverser les routes sans se faire frapper. Mettre en place un éco-corridor est une entreprise compliquée et de grande envergure. Dans les Laurentides seulement, on parle de centaines de kilomètres et d'une multitude d'espèces à protéger. On a comme vision de relier le parc national d'Oka au parc national du Mont-Tremblant. Ça veut dire qu'entre ces deux parcs, on veut qu'il y ait des aires protégées, puis on veut relier ces aires protégées-là par des corridors écologiques, finalement. Donc, dans les Laurentides, on a environ 96, donc presque 100 espèces en situation précaire. Donc, d'aller voir quelle espèce représente le mieux toutes ces espèces-là. Pour répondre aux demandes de cette variété d'espèces animales, les organismes de conservation mettent en place ce qu'ils appellent des corridors en pas japonais, c'est-à-dire qu'ils visent à protéger une chaîne d'écosystèmes différents dont les fonctions sont diverses et remplissent les multiples besoins des espèces qu'ils abritent. Et donc, on a identifié les corridors du Loup. On a identifié les corridors également du cerf et de l'orignal, de la marthe d'Amérique, une espèce qui affectionne particulièrement les vieilles forêts. On a également identifié des corridors pour des oiseaux forestiers, des espèces à milieu ouvert, donc les espèces qui aiment les friches, les grandes superficies ouvertes, les milieux humides ouverts. La grenouille des marais également, qui aime beaucoup les milieux humides. Donc, en fait, ça, c'est toutes des espèces qu'on a choisies parce qu'on a vu qu'elles représentaient les besoins de d'autres espèces également. Mais ce projet de créer un réseau de corridors écologiques dépasse les Laurentides et s'étend au Canada tout entier et même aux États-Unis. Pour en parler, j'ai rencontré Kateri Monticone au mont Loup-Garou, situé à Sainte-Adèle dans les Laurentides. Le mont Loup-Garou fait justement partie d'un éco-corridor. Kateri Monticone est la directrice Sciences et planification de la conservation pour l'organisme Conservation de la nature Canada dans la région du Québec. Elle a aussi démarré l'initiative québécoise Corridor écologique. C'est vraiment l'idée de l'initiative québécoise Corridor écologique qui est coordonnée par Conservation de la nature Canada, mais mis en œuvre avec 10 autres partenaires organismes en environnement. L'idée, c'est d'avoir cette vision-là provinciale transfrontalière. Parce que la nature, en fait, elle a pas de frontières, comme nous, on se l'impose. Donc, on doit vraiment aller au-delà de nos frontières à nous pour avoir une vision d'ensemble pour le sud du Québec et s'assurer que c'est cohérent avec les États et les provinces voisines. Donc, dans le cas du sud du Québec... Comme Marilyn Després-Einspanner, une bonne partie de son travail est de composer avec le côté social du problème de la conservation. Puis, comme mentionné, dans un même corridor, on trouve plusieurs utilisateurs du territoire. Donc, on doit travailler avec tous ces gens-là qui ont une variété d'intérêts. C'est vraiment des agriculteurs, des propriétaires forestiers, des municipalités, MRC, gouvernements, etc., qui se retrouvent dans un même corridor. Et là, on doit travailler ensemble pour s'assurer qu'ensemble, on maintienne ce corridor-là ou on le restaure, parce qu'on fait aussi la restauration. Et à chaque acteurs, on doit trouver le message clé qui est porteur. Les corridors écologiques sont formés grâce aux efforts incessants d'organismes de conservation volontaire, dont plusieurs fonctionnent grâce au travail bénévole de citoyens. Ces corridors doivent servir de guide au zonage effectué par les municipalités, selon Kateri Monticone. Dans l'initiative québécoise Corridors écologiques, les municipalités ont vraiment un rôle clé à jouer, en fait, dans la consolidation d'un réseau écologique, donc des aires protégées reliées entre eux par des corridors écologiques. Tout ce qui est aménagement du territoire, où on doit vraiment jouer un rôle clé pour s'assurer que les corridors écologiques sont reconnus, qui sont intégrés dans les schémas ou les plans, les schémas d'aménagement ou les plans d'urbanisme. Et que ce qu'on vise, c'est vraiment d'accompagner les MRC et les municipalités pour qu'elles puissent connaître c'est quoi un corridor écologique, et s'assurer d'avoir les bonnes informations pour faire un bon développement. Ces corridors écologiques permettent la protection des espèces actuellement sur le territoire. Mais ce sont aussi des infrastructures essentielles à l'adaptation au changement climatique, le thème du prochain épisode de notre série. Du fait qu'ils doivent être réfléchis par des organismes non gouvernementaux, les corridors écologiques mettent en lumière les limites des pouvoirs municipaux en termes d'environnement. Laissés aux gouvernements locaux, ces espaces protégés seraient vulnérables aux impératifs financiers des villes qui dépendent de la taxe foncière et donc de l'occupation du territoire pour leurs revenus. Les mêmes soucis pécuniaires constituent un frein aux initiatives environnementales des municipalités, comme nous l'avons vu dans le cas des innovations réglementaires. Face à la crise climatique, l'argent, doit-on vraiment s'en étonner, est encore une fois le nerf de la guerre. C'était « Au front écologique, à l'orée des bois », un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. C'était également le premier épisode de la mini-série « Pouvoir et contraintes » au cœur du territoire municipal. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Merci également à notre recherchiste, Daphné Ventura. Notre musique originale est composée par Hugo Meyran. Cette émission est co-réalisée par moi-même, Paul Fontaine, et Renaud Chicoine-McKenzie. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. C'était Paul Fontaine, et au nom de toute l'équipe, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CISM 89.3 pour être de nouveau, bien sûr, à l'écoute du territoire.